bloque qui m'a toujours paru. Qu'est-ce que tu n'aimes pas chez moi? Je t'en prie, parle-moi de mes défauts. Dis-moi ce qu'il te faut. Parle-moi de mes défauts. Dis-moi ce qu'il te faut. Qu'est-ce qu'il y a chez ce genre de fille pour que tu sois accro? Et pourquoi pas moi? Bien sûr, tu me respectes trop. Dis-moi ce qu'il te faut. Dis-moi ce qu'il te faut. Parle-moi de mes défauts. Dis-moi ce qu'il te faut. Ensemble nous avons construit toi.